Chapitre 18. Après un rapide check-up dans la cabine médicale, Zoku et Ormain avaient été libérés de tout contrôle. Ormain s'était vu injecter quelques analgésiques pour le remettre de sa séance de torture. Ils étaient à présent installés dans les larges fauteuils du compartiment voyageur. Ils se remettaient de leurs émotions. Leur pouls retombait à la normale. Ils jouissaient d'un merveilleux confort dans ce vaisseau haut de gamme parfaitement aménagé. Les pilules alimentaires leur avaient été fournies, leur implant U était de nouveau fonctionnel, et ils pouvaient se comprendre. L'absence de leur implant ne les avait gênés que dans la communication avec les individus parlant une autre langue. En aucun cas, le reste des possibilités offertes par l'outil ne leur avait manqué. Il fait chaud et sec. Y a-t-il une chance qu'une cabine soit conditionnée selon mes besoins physiologiques ? Demanda Ormain. Ormain, celle de la princesse à n'en pas douter. Le reste du vaisseau recrée l'atmosphère du palais. Étrangement, ce n'est pas pour me plaire. Ces 3 jours à vivre dans un climat tropical m'ont comme revigoré. Je me sens en pleine forme. Les taches de ma peau ont diminué. Respirer à nouveau cet air sec ne me convient pas tout à fait. Alors que ça devait être le contraire. Les Nifiens sont du nord du Pléas. Nous nous sommes développés dans un climat désertique, expliqua Zoku. Tu le crois vraiment toujours ? Demanda Ormain. Un sas du compartiment coulissa et ils durent se lever. La reine Zeninouma en personne se tenait face à eux. L'air grave et sévère de son visage, sur les différentes images qui circulaient, n'était rien comparé à celui qu'elle exprimait en cet instant. Zoku, Nikéen, nous avons à parler. Zoku en premier, suis-moi. Zoku, intimidé, la suivit la tête baissée. Ormain lui lança un clin d'œil d'encouragement et il vit disparaître le jeune Upléen et la reine derrière la porte par laquelle la souveraine était entrée. Beaucoup de questions tourmentaient Ormain. De quoi allait-elle lui parler? Ou de quoi Zoku allait-il devoir parler? Comment pourrait-il se faire comprendre de la reine puisqu'elle ne disposait pas du traducteur pour le Nikéen? Zoku serait-il convié à servir d'interprète? À peine s'était-il trouvé en sécurité et dans la mesure de se remettre de toutes les émotions extrêmes qu'il avait eues à vivre cette dernière journée, qu'il devait affronter une toute nouvelle vague d'interrogations qui le décontenançait tout autant. L'attente était insoutenable. Le paysage étoilé fixe qu'il avait devant les yeux en regardant au travers de la gigantesque baie vitrée ne l'aidait pas à avoir l'impression que le temps passait. Finalement, alors qu'il se tournait les 4 pouces, le bruit feutré de la porte coulissant atteignit ses fentes auditives et il se retourna pour voir Zoku revenir s'asseoir dans son fauteuil. Personne sur le seuil de la porte. La reine n'avait pas suivi Zoku. N'avait-elle rien à lui demander? Ormain, je dois aller voir la reine. Bon courage, lui dit Zoku. Ainsi donc, elle ne comptait pas se déplacer pour l'appeler. Le Nikéen se leva. L'air terrorisé d'Ormain fit rire Zoku. Ormain, ne t'en fais pas, c'est une simple discussion. Je suis l'Upléen. C'était à moi d'être terrifié à l'idée d'un face-à-face avec ma souveraine. Toi, n'es pas imprégné de cette vénération. Détends-toi, ce n'est pas un procès. Tu ne vas pas être condamné à mort. Cette plaisanterie ne rassura pas le Nikéen. Bien sûr qu'il n'allait pas être condamné à mort. Cette peine n'existait pas sur Upléas, ni dans tout le comète. Mais de quel châtiment pouvait-il faire l'objet? Qu'en coûtait-il de mettre l'héritière du trône en danger? Il franchit le sas, avec encore plus de questions dans la tête, et s'avança d'un pas mal assuré vers la reine, qui l'observait sans ciller. Voyons, ne me crains pas. Approche, assieds-toi. Ormain n'avait rien compris à ce que la reine venait de lui dire. Son appelant n'avait rien traduit, c'était donc qu'elle parlait une autre langue que l'Upléen. La prononciation n'avait rien à voir avec l'Upléen. Le son était mélodieux, comme sa langue à lui, sauf que c'en était une autre. « Viens ici, te dis-je. Installe-toi sur le sofa, » dit Zeninouma. « Je ne comprends pas ce que tu dis, » lui répondit Ormain. La reine ne comprit pas un mot de ce qu'Ormain venait de lui dire. Ce Nikéen parlait donc une autre langue encore que celle qu'elle connaissait. L'ayant entendu parler avec Zoku, l'idée vint à Zeninouma de s'adresser à lui en Upléen. « Nikéen, j'invite à t'asseoir. » L'implant d'Ormain fit la traduction. Il hocha de la tête et obéit. « Nikéen, ainsi désormais, tu me comprends. Mais je ne pourrais pas te comprendre, n'est-ce pas? Ai-je besoin d'un traducteur? Zoku peut-il me le fournir? » demanda Zeninouma. Ormaï acquiesça ça aux deux interrogations, et Zoku fut sommé de venir en vitesse. Il procura à la reine l'outil nécessaire, et après quelques tests concluants d'échange entre Zeninouma et Ormaïn, il prit congé. En quelle langue m'as-tu parlé? Demanda Ormaïn à la reine. Nikéen, c'est moi qui pose les questions. Je n'ai pas questionné Zoku à ton sujet, car je pense que tu es en mesure de le te présenter par toi-même. Après une petite enquête, un vaisseau a été trouvé dans l'oasis de ma fille, la princesse Zélée. Un vaisseau qui s'est vraisemblablement écrasé, provenant de Nikéas. Elle est évidente que quelqu'un, en plus de ma fille, a vécu dans cette oasis. Un Nikéen. Toi, je présume. Demanda la reine. Oui, acquiesça Ormaïn timidement. Nikéen, j'irai droit au but. Quelles sont tes relations avec ma fille? Pardon? S'étonna Ormaïn. Nikéen, écoute. Tu étais enfui de Nikéas dans un vaisseau. Tu étais écrasé sur Eupléas et par la plus grande malchance possible dans l'oasis de ma chère Zélée. À trois, vous avez tenté l'aventure. Ça, je le sais. C'est facilement imaginable. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est la nature de la relation que toi as entretenue avec ma fille. Altesse, je peux t'assurer que... balbutia Ormaïn. Nikéen, bien. Vois-toi, mon cher... Comment t'appelles-tu? Demanda la reine. Ormaïn. Ormaïn, vois-toi, mon cher, la princesse Zélée étant donné son glorieux avenir, n'a pas de temps à perdre avec des relations inutilement compliquées, surtout qu'elle a déjà un époux. Déjà, Zélée n'est pas mariée, s'étonna Ormaïn. Ormaïn, pas encore. Cela ne se fera que dans 2 ans. Certaines choses se font en temps et en heure. Quoi qu'elle en soit, la princesse Zélée épousera Zoku. Zoku, s'étonna Ormaïn. Ormaïn, tu n'étais pas au courant. Je reconnais bien là la discrétion innée de ma fille. Vraisemblablement, elle a considéré à juste titre que ce sujet ne te concernait guère. J'attends de consulter Zélée pour décider de ce qu'elle adviendra de toi. Advenir de moi, je ne saisis pas, s'inquiéta Ormaïn. Ormaïn, oui. Tu ne vas pas passer ta vie sur Eupléas. Elle va bien falloir t'envoyer quelque part. Mais ceci ne te concerne pas. Tu peux prendre congé, conclut Zeninouma. Complètement abasourdi parce que la reine n'avait eu aucun scrupule à formuler devant lui, Ormaïn partit rejoindre Zoku qui n'apparaissait pas du tout soucieux. Plutôt l'inverse, un sourire gravé sur sa face donnait une autre physionomie à son visage juvénile. Peu à peu, la princesse reprenait connaissance. Avant de la saisir, le commando avait eu un mouvement d'hésitation. Recouverte de sang et de diverses matières organiques, elle était méconnaissable. Les soldats l'avaient scannée alors avec leur visière intégrée pour définir s'il s'agissait bien de l'héritière et si elle était gravement blessée. Ils s'étaient ainsi plus attendus à la voir s'en remettre à eux immédiatement plutôt que de se débattre furieusement. C'était après s'être évanouis, à bout de force, qu'ils avaient pu l'évacuer. À bord, l'équipe médicale s'était empressée de lui administrer un tranquillisant, la nettoyer et soumettre son corps à une série d'examens. Profitant de la douce atmosphère de sa cabine, étendue sur la molle couverture humidifiée et les yeux rêveusement rivés au plafond, Zélée reprenit petit à petit la maîtrise totale de son corps et de son esprit. Là-haut, logé au beau milieu de sa boîte crânienne, son implant U pompait dans son organisme son énergie grâce à l'importante dose d'ionine que la princesse venait d'ingurgiter. Le frisson suivant le rétablissement de la connexion au réseau ne l'avait pas encore parcouru. Il était encore trop tôt pour cela. Mais au moins son corps n'était-il plus en manque. Son cerveau ne lui lançait plus d'insoutenables appels pour la pousser à chercher ce que l'implant avait réclamé ces 2 derniers jours. Même si elle avait pu avoir accès au Rézarque, elle ne pensait pas qu'elle y aurait fait appel. Elle était enfin au calme et en sécurité. Après cette folle aventure, elle était de nouveau dans un cadre familier et toute la pression, l'adrénaline qui avait gonflé ses veines se drainait. Elle respirait profondément, encline à un somme mérité. Ses yeux étaient hypnotisés par le motif évolutif du plafond, comme on peut l'être en regardant défiler les nuages par grand vent, prenant de nouvelles formes au fur et à mesure que les flux d'air les façonnent à leur guise. Heureusement que la dionine des pilules alimentaires se diffusait rapidement dans l'organisme, sinon il aurait fallu directement la perfuser tellement elle était au bord de la folie quand les secours Upléens les avaient sauvés d'une mort certaine devant la forteresse. Zélé n'avait pas la moindre idée du temps qui s'était écoulé depuis qu'elle avait avalé ses pilules, depuis combien de temps elle s'était allongée et qu'elle faisait le vide. Les images de la rescousse éclair des soldats lui revinrent en tête comme des flashs. Ils étaient tous les trois en train de courir, et alors qu'ils atteignaient l'oreille de la forêt, que les mercenaires, à leur trousse, grandissaient en nombre, accourant des divers hangars de part et d'autre de la cour, il y avait eu une salve détonnante derrière eux. Un nuage de poussière avait surgi, recouvrant Ormaïn, Zoku et elle-même de terre, et le souffle les avait littéralement abattus au sol. C'était à ce moment-là qu'ils s'étaient retournés et que tous trois avaient vu le gigantesque vaisseau Upléen se poser devant la forteresse, alors qu'il faisait feu de tous côtés, mettant les mercenaires en déroute. C'était aussi à ce moment-là que l'appel de la Dionine avait repris sa suprématie sur le corps de Zélé. Un instant d'inattention de la part de ses deux compagnons lui avait suffi pour partir en courant vers l'Agilgo, ne se souciant pas un instant qu'elle se retrouverait en plein champ de bataille. Les soldats Upléens avaient vite fondu sur elle et l'avaient embarquée de force à bord, la mettant à l'abri pour de bon. Elle s'était débattue, puis le trou noir. On avait dû la conduire dans cette cabine, des médecins l'avaient certainement prise en charge, et quand elle avait repris conscience, des pilules alimentaires lui avaient été servies. Mais le décollage avait eu lieu si peu de temps après qu'elle fut montée à bord que... Ormaïn et Zoku avaient-ils seulement eu le temps de se manifester et d'embarquer? Une autre question lui vint. Comment Eupléas avait été prévenu de leur présence ici? Zoku n'avait pas pu envoyer de SOS, leurs trois implants étaient hors service. Pour arriver à cet instant, le vaisseau avait dû quitter la planète peu de temps après leur arrivée sur Nikéas. Zoku aurait-il demandé de l'aide à ce moment-là? Impossible. Les soldats avaient été envoyés par quelqu'un d'autre, et leur mission était clairement de récupérer la princesse. Mais comment aurait-il pu savoir où elle se trouvait? Oubliant l'éveil de son implant, le rétablissement de la connexion au Rézarc, Zélé sauta sur ses jambes, se trouva très légère. Le doute n'était plus permis, ils avaient bien quitté le sol nikéen. La pesanteur artificielle simulait bien celle du Pléas. Qu'il était bon de se sentir à nouveau libre dans ses mouvements, et non plus cloué au sol. Elle sortit de sa cabine, pour partir à la recherche de la chef de cette expédition. Qui pouvait bien être en charge? Une générale? Ou la capitaine du vaisseau? La princesse demanda à être conduite auprès de la responsable, à une garde, et celle-ci, après avoir examiné une certaine surprise quant au terme employé, mena sa future souveraine dans la cabine royale. Zélé avait déjà visité une cabine royale dans un autre vaisseau. La décoration, la disposition des meubles et des objets étaient parfaitement identiques. L'héritière reconnaissait bien la sa mère. Aucun changement. Aucune fantaisie supplémentaire, elle se contentait de garder ce qui lui plaisait. Fille Zélé, déjà levée. Mère Zeninouma, vois ici, je suis surprise, s'étonna Zélé. Fille Zélé, remets-toi. Que croyais-tu? Que j'allais laisser ma tendre fille unique se faire éventrer par quelques barbares? Allons, tu devrais mieux me connaître. Mère Zeninouma, est-ce que mes... Je veux dire, je ne suis pas venue seule sur Nikéas. « Où sont... » commença Zélé. « Fille Zélé, tu veux savoir si Zoku et ce Nikéen nommé Ormaïn sont à bord? Oui, rassure-toi. Ils sont à bord et en parfaite santé. » La rassura Zeninouma. La princesse laissa échapper un soupir de soulagement. Encore une fois, elle s'était faite un sang d'encre sans raison. Plus à même de se détendre, elle plia sur un sofa et s'étala de tout son long, la tête posée dans sa main, l'avant-bras appuyé sur la coudoir meultonné. Fille Zélé, j'ai compté te laisser te reposer avant de te soumettre à mes interrogations, mais te voyant ainsi revigorée, je ne vois pas pourquoi nous perdrions plus de temps que nécessaire. Commença Zeninouma. Mère Zeninouma, des questions? C'est moi qui avais des questions à me poser? Je vous avoue que je pense tout le contraire. C'est moi qui ai plus de 8 millions de questions à vous poser. Comment avez-vous su que nous étions sur Eupléas? Comment êtes-vous arrivé si vite? Vous saviez que cette planète est viable et sa population... Fille Zélé, je t'ai dit que j'avais des questions. Je ne t'ai pas autorisée à poser les tiennes. Sois aimable de respecter ta mère, la reine. La coupa Zeninouma. Mère Zeninouma, recevez toutes mes excuses. Le ton amer des excuses de Zélé laissait bien entendre qu'elle ne pensait pas un mot de ce qu'elle avait été forcée à formuler, mais elle connaissait sa mère et son arrogance. Il était inutile de la braquer si elle voulait obtenir les clés qui serviraient à déverrouiller toutes les portes menant à l'explication de la situation nikéenne. De plus, Zélie avait bien remarqué que sa mère ne cessait d'utiliser son pronom personnel singulier Ja en début de chacune de ses phrases, ce qui prouvait bien qu'elle n'était pas d'humeur à supporter la moindre insubordination, même venant de sa fille. Faisalé, j'ai donc parlé avec Zoku, et connaissant parfaitement ce garçon, je sais bien qu'il n'a fait que suivre ton exemple. Tu as voulu venir sur Nikéas, et en bon serviteur, il t'y a amené. Il t'obéit, il n'a pas d'esprit de contradiction. En quelque sorte, cette petite escapade m'aura permis de m'assurer à quel point il est idéal. Ne t'inquiète donc de rien, ma fille, votre mariage n'est annulé en rien. Je serai ravie de le voir devenir mon parfait gendre soumis. Après avoir été secouru in extremis d'une planète inconnue en proie à une horde de mercenaires prêts à en découdre, Zélé s'attendait à tout lors de son entrevue avec sa mère, sauf à ce que celle-ci commença par lui parler mariage. Oui, c'était vrai. Zoku et elle devaient se marier. Elle devait être reine, une reine forte et intransigeante, et Zoku devait être un roi effacé, laissant son épouse prendre toutes les décisions sans jamais émettre d'objection. Toutes ces dernières semaines, Zélé avait légèrement fait abstraction de ses futures obligations. Jusque-là, cette pensée ne l'avait jamais dérangée. Elle n'avait jamais entrepris son avenir autrement. C'était ainsi. Il était normal qu'elle obéît au désir de sa mère. Maintenant, elle pensait à Karoa, à leur complicité instantanée, à la plénitude que sa compagnie lui avait apportée le temps qu'ils s'étaient connus. Toute une vie partagée avec un mâle ne devait-elle pas être ainsi? Devait-elle épouser Zoku pour être tranquille dans son règne et ne rien éprouver pour celui qui partagerait sa couche? Et qui devait être le père de son héritière? Devait-elle oublier à jamais ce sentiment intense que Karoa avait éveillé en elle? Pouvait-elle envisager une relation sous un autre angle, après avoir connu cela? Karoa. Karoa était mort. Fille zélée, j'ai également parlé avec ce Nikéen, Ormaïne. Ma foi, pour un simple sauvage, il n'est pas trop mal dans ses manières. Ce n'est pas un mauvais bougre. Tu as conscience qu'une décision doit être prise à son sujet? Demanda Zeninouma. Mère Zeninouma, une décision? Dit zélée. Fille zélée, oui, il ne peut pas rester sur Upléas indéfiniment. Nous devons donc trouver une solution à ce problème. Que faire de lui? Et je désire l'apprendre avec toi, pour que je puisse te voir réfléchir devant un épineux problème. Parfois, ce sont les décisions qui paraissent les plus absurdes qui demandent le plus de réflexion. Pas souvent pour moi, parce que je sais faire abstraction des futilités telles que les sentiments. Mais toi, ma fille, ma pauvre chérie, tu es bien trop sensible. Alors la décision que nous apprendrons ensemble pourra t'aider à faire les bons choix. Mère Zeninouma, de la façon dont vous parlez, j'ai l'impression que vous savez déjà ce que vous comptez faire de lui. Et votre seul but, en m'en entretenant, c'est que j'adevine ce que vous avez choisi comme solution, répondit Zélé. Fille Zélé, je ne veux pas que tu devines ce que j'ai en tête, mais je veux t'aider à penser comme moi. Mère Zeninouma, votre règne est connu. Je sais bien comment vous régnez et quels sont les choix que vous faites. Toutefois, je ne suis pas voix, et je déciderai ce qui me semble juste pour Ormaïne et non pas pour simplifier vos affaires. S'impatienta Zélé. Fille Zélé, je ne suis pas surprise que toi joues les écervelés. Mère Zeninouma, Ormaïne s'est échappé de Nikéas où il subissait l'oppression infligée à tout son peuple. Il est en danger. Jamais je ne permettrai qu'il soit renvoyé chez lui. En ce qui me concerne, c'est un réfugié, et il mérite l'asile politique, cuplé à c'est accordé à ceux dont la vie est menacée. Nous faisons partie du comète, les accords sont clairs, les planètes en faisant partie doivent secourir les êtres demandant une aide. Fille zélée, cesse donc de réfléchir ainsi. Bientôt tu vas me demander d'accueillir sur Upléas tous les esclaves de Nikéas. S'impatienta Zeninouma. Mère Zeninouma, c'est en effet... commença Zélée. Fille zélée. Les accords du comète ne concernent que les habitants des mondes existants. Or, Nikéas n'existe pas, les Nikéens n'existent pas, ils ne sont répertoriés nulle part. De plus, le climat upléen ne leur convient absolument pas, ils seraient tous malades, dépériraient. Elle est inutile de les faire venir dans un monde où, pour d'autres raisons, ils seront tout aussi malheureuses. Mère Zeninouma, mon oasis, balbutia Zélé. Fille Zélé, tu as compte garder dans ton oasis des millions de ressortissants? Mère Zeninouma, mon oasis suffira pour Ormaïne, au moins. Pour l'instant, je croyais que c'était uniquement de son sort dont nous parlions. Vous faites dériver la conversation à votre avantage, s'énerva Zélé. Les différends qui avaient pu opposer Zélé à sa mère tout au long de sa vie étaient peu nombreux, et il ne s'était jamais agi de problèmes si importants. jamais du sort d'une vie. En règle générale, la princesse ne pouvait pas dire qu'elle était accoutumée aux accrochages verbaux. Mais elle savait qu'elle était d'un tempérament conciliant, à toujours chercher un compromis pour satisfaire tout le monde, et qu'elle était douée pour garder son sang-froid en toutes circonstances. Là, le sang lui montait aux tempes, elle sentait son pouls partout dans son corps, et sa voix s'élevait presque au-dessus de celle de la reine. Ce n'était pas dans ses habitudes de sentir tant de colère en elle, et ce n'était pas non plus dans son intérêt, ou dans celui d'Ormaï, de se comporter ainsi. Zélie devait se contrôler si elle ne voulait pas que son amie fût expulsée par les soins de sa mère, sans que son avis n'ait été pris en compte. Mère Zinnouma, écoute-moi, s'il vous plaît. J'assais qu'à l'heure actuelle, j'avoue des soins grandement. J'ai tenu sciemment des choses secrètes, alors qu'elle est évidente que j'aurais dû vous en faire part. Je suis désolée pour ma conduite décevante. Je sais à quel point vous comptez sur moi pour vous succéder en toute honorabilité. Je vous prie de la plus profonde de mon cœur de m'accorder votre pardon, dit Zélie. Fille Zélie, je te l'accorde, mais pourquoi tiens-toi à garder sur Upléa ce Nicéen? Il ne sera pas en danger à retourner sur sa planète. Zélie devait-elle répondre à cette question dont la réponse coulait de source? Les Nicéens étaient véganes. Ils respectaient toutes les formes de vie et faisaient preuve d'empathie envers toutes les créatures. Peu leur importait leur stade d'évolution. Comment la reine Zinnouma elle-même, répondant à cette éthique, pouvait-elle poser une telle question à sa fille? Zélie en était presque scandalisée et réalisait qu'elle ne connaissait pas sa mère. Elle ne connaissait pas ses opinions, sa conception de l'univers, et que si un tel écart les séparait, il lui serait impossible de jamais être capable de la satisfaire. Mère Zinnouma, vous me demandez pourquoi nous devons sauver la vie d'Ormaïne? Fille Zélie, je ne te parle pas de faire condamner ce Nicéen à mort. Je trouve qu'il est naturel de le ramener chez lui. Mère Zinnouma, mais cela revient au même. Aucune vie, aucun avenir ne l'attend sur Nicéas. Il vivra reclus, comme il l'a toujours fait jusqu'ici. Si jamais il est repéré par des mercenaires, Vielle le traqueront. Sans relâche, parce que Vielle l'auront identifié. Fille Zélie, le petit commando hubléen qui a servi à vous tirer de l'impasse dans laquelle vous vous étiez mis à exterminer tous les mercenaires qui étaient sur place. Je ne crois pas qu'il reste en vie le moindre mercenaire sachant de quoi ton Ormaïne a l'air, répondit Zinnouma. Mère Zinnouma, tous morts? Demanda Zélie. Fille Zélie, avec les salves qui ont été lancées, leur chance de survie était de zéro. Ne me regarde pas ainsi, tu as déclenché cette offensive par ton expédition irréfléchie. C'était soit eux, soit vous. Elle a bien fallu choisir. Nous sommes contre le meurtre, bien sûr, mais il s'impose parfois à nous. Nous sommes civilisés et la guerre fait partie de la civilisation, tout comme le meurtre fait partie de la guerre. Je te demande donc à nouveau, ma fille, pourquoi veux-tu garder ce Nicéen dans ton oasis? Mère Zinnouma, cela fait des semaines qu'il est arrivé sur Upléas et que nous nous connaissons. Il compte sur nous pour l'aider, lui et son peuple. Et je suis sûre. Si vous ne comprenez pas de vous-même pourquoi je tiens à ce qu'il reste, je ne peux pas vous l'expliquer mieux. Fille Zélie, il m'a assuré qu'elle ne s'était rien passé entre vous deux. J'aurais pu y te poser cette question directement, mais je suppose que la parole d'un Nicéen ne vaut rien. Quels étaient tes rapports avec lui? La question tourna lourdement sur les épaules de Zélie, et un instant elle se crut de nouveau soumise à la pesanteur nicéenne. Quels étaient ses rapports avec Ormaïne? Qu'est-ce que sa mère pouvait bien aller imaginer? Elle et Ormaïne? Sa mère voulait-elle savoir s'ils formaient un couple? Si leur journée passée isolée de tout dans l'oasis avait été animée d'autres activités que de discussion et de natation dans l'étang? Elle et Ormaïne, quelle idée! Il était père et plus âgé. Zélie avait voulu le garder à l'abri des autres, comme un secret bien à elle, se garder Ormaïne rien que pour elle parce qu'elle avait toujours éprouvé quelque chose pour lui depuis leur rencontre. Ce n'était pas ce lien unique, mythique, inventé par les villageois des camps. Ce devait sans nul doute être de l'amitié. Mère Zinnouma, qu'allez-vous imaginer de moi? Ormaïne et moi avons passé tout notre temps à parler. J'étais curieuse d'en apprendre plus sur le monde inconnu dont il me parlait. Les mots coulaient hors de sa bouche, sans qu'elle n'eût à les chercher. On ne sentait pas dans sa voix qu'elle s'offusquait. Son ton était naturel, et même sa mère, qui était douée pour déceler le moindre mensonge, fut convaincue. Il faut dire que Zélie était convaincue de ce qu'elle venait de dire. C'était la vérité. Fille Zélie, vois-toi, j'étais contre le fait qu'il reste, car malgré qu'il m'ait affirmé de ne rien avoir commis de dégradant pour ton honneur, j'ai bien senti que ses aveux lui faisaient de la peine. si tant est que l'on puisse imaginer qu'un mâle éprouve de la peine. J'allais cru sur le fait que ton honneur n'était compromis en rien. Cependant, ce Nicéen semble avoir des sentiments pour toi, expliqua Zeninouma. Mère Zeninouma, des sentiments pour moi? S'étonna Zélé. Fille Zélé, sache-la, cela peut être utile de plaire au mâle pour obtenir des faveurs politiques. Mais dans son cas, cela ne t'est d'aucune utilité. J'acconsens à ce qu'il reste, puisque je sais bien que de ton côté, tu n'as aucune sorte d'inclination pour lui, si ce n'est de la pitié. Mère Zeninouma, va résumer parfaitement mes sentiments à son égard. Mais en quoi mon honneur pourrait-il être entaché? Vous savez bien que j'ai fréquenté divers, commença Zélé. Fille Zélé, elle s'agissait du pléen respectable et non pas de sauvage. Ce n'est nullement comparable. Maintenant que ce point est éclairé et décidé, j'avais te demandé de réfléchir à son sort sur le court terme. Il ne va pas rester jusqu'à sa mort à vivre dans l'oasis, tel un bolbolco. Quelle que sera ta décision, je l'accepterai. Maintenant, prends congé et retourne te reposer. Mère Zeninouma, les questions que moi également je... commence à Zélé. Fille Zélé, nous verrons cela plus tard. J'y répondrai, mais repose-toi pour le moment. Conclut Zeninouma. Zélé, qui n'avait pas bougé de son sofa de toute l'entrevue, se leva et prit la direction du sas de sortie. La reine avait-elle dit la vérité ou menti pour tester la réaction de sa fille? Ormaïn éprouvait-il des sentiments pour elle? Elle se sentit encore plus légère à cette pensée et d'un pas leste, elle se dirigea vers la salle des voyageurs, où elle était à peu près sûre de trouver ses compagnons. La reine était soulagée pendant un instant. Elle avait cru que sa fille s'était entichée de cette vermine de Nicéen et qu'elle allait lui poser des problèmes pour le mariage. Même si cela n'était pas avant 2 ans, Zeninouma ne voulait pas qu'il soit remis en question. Cela aurait pu le retarder, et lors de sa célébration, il aurait paru moins naturel. Les masculinistes aurait encore crié au scandale, et Zeninouma avait bien d'autres préoccupations que de se soucier des revendications ridicules de ses fanatiques. Connexion. Zema, tu me reçois? Épouille-le, que veux-tu? Zema, comment s'est passée la mission? Notre fille est-elle saine et sauve? Demanda le roi. Épouille-le, elle a été récupérée à une vitesse record, sans égratignure. Nous sommes sur le chemin du retour, le rassura Zeninouma. Zema, ce brave Zoku, était-il avec elle? Épouille-le, en effet, et lui aussi va bien. Zema, avez-vous dû batailler pour la retrouver? Épouille-le, absolument pas. Elle se trouvait juste là où nous nous sommes posés. Elle est parvenue à s'évader par ses propres moyens, à ce qu'elle semblerait. Zema, comme sa mère, à croire que c'est de fa... Épouille-le, je te demande pardon, s'énerva Zeninouma. Zema, toutes mes excuses, je ne comptais pas reparler de... fin de connexion. Depuis leur adoption secrète de Zélé, Zeninouma et Idlé s'étaient jurés de ne jamais aborder le sujet. Aucun soupçon ne devait être éveillé chez qui que ce fût, et même lorsqu'il s'agissait de conversations privées par un plan VIP politique ultra protégé, Zeninouma refusait catégoriquement qu'ils en parlassent. Idlé avait supposé à tort que depuis tout ce temps, le ressenti de son épouse s'était adouci. Zeninouma n'avait jamais accepté sa stérilité. Elle estimait que Zélé était réellement sa fille et ne supportait pas d'être mise en face d'un élément qui se contredisait cette idée. Idlé n'avait jamais compris pourquoi son épouse trouvait si honteux d'avouer qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. L'adoption n'avait pour lui rien de scandaleux ni de dégradant. Mais dans le cas de la monarchie, on était en mesure de se demander si une enfant adoptée constituait une héritière légitime. Depuis des huitaines et des huitaines d'octades, la famille de Zeninouma, la dynastie des Zé, était en place sur le trône du Pléas. La reine ne voulait pas que la lignée s'arrêtât avec elle. Elle ne voulait pas être celle par qui tout l'héritage d'un gouvernement parfait s'effondrerait. C'était compréhensible. Mais se mentir si profondément à soi-même n'était pas une solution. Idlé aimait son épouse de toute son âme, et la voir ainsi se noyer dans ses mensonges lui faisait mal. Tous les fauteuils du compartiment voyageur étaient orientés vers la grande baie vitrée qui montrait l'immensité vertigineuse de l'espace, matérialisée par les minuscules points lumineux immobiles qu'étaient les étoiles. Ormaïn et Zoku étaient assis l'un à côté de l'autre, et ils ne se parlaient pas, ils s'adonnaient à différents jeux sur le Rezar. Ormaïn, Zoku, le voyage ne vous paraît pas trop long? Ils se retournèrent précipitamment. La voix de la princesse, bien que très douce, les fit sursauter. Ils n'avaient pas entendu la porte du sas coulisser. « Princesse Zélé, vous voilà remise !» s'enthousiasma Zoku. « Tu as l'air d'aller mieux, Zélé, » dit Ormaïn. Elle prit place sur le siège voisin d'Ormaïn. Zoku se leva d'un bond et s'excusa de le laisser seul, mais il avait quelque chose à faire. Il n'est pas très doué pour s'expliquer comme si de rien n'était. Mais au moins, il a compris que je voulais m'entretenir avec toi, dit Zélé. Me parler, Zélé? Demanda Ormaïn. Tu as eu un entretien avec ma mère tout à l'heure. Oui, répondit timidement Ormaïn. Ormaïn n'était pas à l'aise et se demandait bien quelle tournure leur conversation allait prendre. Il se tortilla sur son siège, fuyant le regard de Zélé qui le fixait sans ciller. Je voudrais savoir de quoi vous avez discuté. Je n'ai pas pu parler longtemps avec elle. Elle n'était pas vraiment d'humeur à prolonger la conversation et je suppose qu'il vaut mieux que je la ménage si je tiens à obtenir des explications sur la situation nichéenne et l'implication du Pléas dans cette affaire. J'ai tenté d'aborder le sujet et je me suis heurté à un mur, commença Zélé. Je ne la connais pas, mais j'approuve ta stratégie, je crois, dit Ormaïn. Au fait, qui a servi d'interprète? Demanda Zélé. Ça a été plutôt bizarre, expliqua Ormaïn. Quand j'ai été convoqué auprès d'elle, je m'attendais presque à te voir à ses côtés pour la traduction. Mais ce n'était pas moi, dit Zélé. Non, ce n'était personne, continua Ormaïn. Zoku lui a fourni le traducteur, mais avant ça, ta mère a essayé de me parler dans une langue que je ne connaissais pas. Dans quelle langue? L'universel? Demanda Zélé. Non, j'aurais compris l'universel. Ça ressemblait beaucoup au nichéen, ça sonnait un peu pareil, mais je ne comprenais pas un mot. Lui as-tu dit que tu étais nichéen? Ou l'a-t-elle deviné? Demanda Zélé. Elle le savait déjà, répondit Ormaïn. Si Zénunuman savait qu'Ormaïn était nichéen, et qu'elle s'était adressée à lui dans une langue particulière, cela voulait dire qu'elle s'était attendue à ce qu'il l'a compris. Cela suffisait à prouver à Zélé que Pléas n'était pas étrangère à Nikéas, qu'un lien unissait ces deux planètes. Tôt ou tard, sa mère lui donnerait toutes les explications qu'elle réclamait. En ce qui me concerne, nous avons parlé de toi, de ce que tu allais devenir, si nous allions te renvoyer sur Nikéas ou te laisser vivre dans l'oasis, dit Zélé. Elle m'a dit que vous parleriez de mon sort. Elle m'a aussi gentiment fait savoir que je n'avais pas mon mot à dire sur dans cette histoire. Ce qui me fait très plaisir. Je ne crois pas qu'elle m'apprécie, dit Ormaïn. Elle n'apprécie pas grand monde, répondit Zélé. Juste ceux qui pensent comme elle et se plient à ses décisions. Pour le moment, tu vas retourner vivre dans l'oasis et tu me diras par la suite ce que tu veux faire et ça te sera accordé. Personne ne décidera de ton sort à ta place, Ormaïn, je te le promets, le rassura Zélé. Je resterai dans l'oasis combien de temps? Jusqu'à ce que tu décides où tu veux aller. Un silence se posa et un malaise s'installa. L'un et l'autre n'avaient pas tout dit et chacun se demandait ce que savait son voisin. La reine d'Inuma avait-elle posé la même question à sa fille que celle qu'elle avait posée sans retenue à Ormaïn? Quelle avait été la réponse de Zélé? La même que la sienne, évidemment, il n'avait rien à se reprocher. Si la reine d'Inuma avait perçu dans l'attitude d'Ormaïn qu'il éprouvait des sentiments pour l'héritière, Zélé pouvait-elle aussi s'en rendre compte? Les étoiles, dit Zélé. Oui, répondit Ormaïn. Zélé avait tenté de lancer une conversation, mais aucun d'eux n'avait envie de parler davantage. Ces simples mots avaient suffi à briser le malaise qui les avait séparés un bref instant. Ils s'étaient regardés, s'étaient souris, et s'étaient compris. Là, devant cette fenêtre donnant sur les étoiles qu'Ormaïn et Zélé fixaient pour s'évader, leurs mains se touchèrent et leurs doigts s'enlacèrent pour ne plus se quitter du reste du voyage. Personne ne vint les déranger, et la timide étreinte de leurs mains put durer une éternité. Dans l'espace, tout s'arrêtait, ni le temps ni la vitesse n'existaient, il n'y avait que leurs sentiments. Connexion. Reine Zénunuma, je suis enchantée de faire ta connaissance. Je me présente. Je sais qui tu es, source. Ma notoriété me précède, j'en rougirai presque. Que veux-tu? Tu as menacé la vie de ma fille. Tu devrais craindre pour... Je t'en prie, Reine Zénunuma, pas de ça avec moi. De quoi voudrais-tu me menacer? Non, je veux te remercier, oui. C'est surprenant, mais vrai. Votre petite visite impromptue m'a libérée d'un sujet envahissant. Je n'aime pas régler des comptes. Tu m'as rendu un beau service. Merci. Je ne savais même pas que ta fille était chez moi. Pauvre ange. Jamais je n'aurais osé ne serait-ce qu'effleurer son tendre cuir. Que veux-tu, t'ai-je demandé? S'impatienta Zénunuma. Je te l'ai dit, te remercie. Mais encore, insista Zénunuma. Aussi te rappeler que tu ne peux rien contre moi, Nikéas n'existe pas. Si toi ni tes ancêtres n'avez jamais révélé aux comètes qu'elle était habitée, vous l'avez répertoriée comme planète impropre à recevoir la vie. Si tu décidais de m'envahir, tu ruinerais ton règne. que tu t'acharnes à rendre aussi parfait. Upléa serait même menacée d'être banni du comète après pareille trahison. Tu ne voudrais pas mieux que votre roi Kuaido? Tu deviendrais la honte de ta nation. Le peuple rejetterait ta dynastie et jamais ta fille ne deviendrait reine. Je tenais juste à te le rappeler. Fin de connexion. Alors le tyran avait l'audace de se croire invulnérable. Il pensait pouvoir la faire chanter, que la reine d'Inuma la Juste n'oserait jamais entacher son image de règne parfait. Et c'était vrai, la source avait su toucher le point sensible. Zeninuma n'oserait jamais avouer à son peuple qu'à la passation des pouvoirs, sa mère, la reine Zewalkobi, l'avait informée de la situation nikéenne, et que depuis la reine Zelaido, le secret était farouchement gardé de souveraine en souveraine. Zeninuma n'était pas de celles qui avaient le courage de briser les traditions transmises par ses ancêtres, et d'admettre qu'elle avait pris de mauvaises décisions. Mais Zélé l'était. La reine pensa qu'elle n'avait pas le droit de rompre le cycle infernal. Si elle avait jamais dû le faire, c'eût été à son accession au trône. Il était trop tard pour elle désormais. Elle ne valait pas mieux que le reste de la prestigieuse dynastie des Zé. Cependant, elle aiderait Zélé à briser cette chaîne, et la laisserait en tirer les honneurs qui lui reviendraient de droit. Si la source avait pensé que Zeninuma laisserait sa fille pâtir d'une mauvaise image auprès du peuple upléen, il avait vraiment mal calculé son coup.